18h52 sur France Culture, Géraldine Mosna-Savoie, vous avez rempli une attestation sur l'honneur et vous nous en parlez maintenant dans votre carnet de philosophie. Enfin une, Guillaume, beaucoup plus qu'une. J'en remplis, je dirais, en moyenne 2 par semaine depuis le 3 janvier, attestant sur mon propre honneur du test négatif d'un membre âgé de moins de 12 ans dans ma propre famille. C'est bien simple, depuis le 3 janvier, je n'ai jamais autant pensé à mon honneur. Chose sûrement très courante, j'imagine, sous l'ancien régime où l'honneur, comme le dit Arthur Schopenhauer, alors signe de distinction et de supériorité, était... Objectivement, l'opinion qu'ont les autres de notre valeur et subjectivement la crainte que nous inspire cette opinion. Mais aujourd'hui, en 2022, que désigne encore l'honneur? Son code ayant depuis bien longtemps été remplacé par des normes et son nom par celui de réputation. Apparemment, eh bien, des postes honorifiques et puis aussi donc des attestations. Ce qui n'est quand même pas rien. Les nostalgiques du monde d'avant peuvent donc encore se réjouir. L'honneur reste sauf, même en 2022 et même dans une moindre mesure. À ceci près qu'une attestation sur lui n'étant pas rien, elle n'est pas non plus, on peut se le dire quand même, grand-chose, et elle n'atteste vraiment pas grand-chose de notre valeur. Vous voulez dire que, ça se trouve, vous avez attesté de n'importe quoi dans vos attestations sur l'honneur et personne n'a pu le vérifier. Eh ben voilà, Guillaume, est-ce que vous avez pu vérifier, vous, mes attestations sur l'honneur pour vérifier si je me suis bien testé? Je ne suis pas penché d'ailleurs dessus, véritablement. Ouais, ben vous devriez, j'en ai déposé une sur votre bureau. Si j'ai bien testé le membre susdit de ma famille, personne, contrairement à l'époque de Schopenhauer, 1851, quand sont publiés ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, l'honneur n'indique donc plus rien de ma valeur objective et n'inspire plus aucune crainte subjective. Néanmoins, et c'est là l'importance du sujet, l'honneur reste encore valable pour garantir, prouver, certifier. Mais alors quoi, Guillaume? Que prouve une attestation faite sur mon honneur si celui-ci est désormais improuvable et ne constitue pas une preuve objectivement et subjectivement? Ou pour le dire autrement et reformuler le paradoxe, quelle validité trouver à un honneur aujourd'hui dévalorisé? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, enfin en tout cas selon moi. L'honneur, même dévalorisé, même improuvable, même destitué, est-il la seule garantie qui nous reste quand on n'en a plus aucune? Vous l'avez dit vous-même, Géraldine, une attestation sur l'honneur, ce n'est pas grand-chose, mais ça n'est pas non plus rien. Tout est donc dans ce « pas rien », pas grand-chose. Et on en vient alors à ce problème, si l'honneur reste la seule garantie, même fragile, de notre loyauté, de notre courage, de notre noblesse d'âme, bref, de notre morale, c'est qu'il a encore et malgré tout une utilité impalpable mais décisive, rendre compte de notre fiabilité. Et c'est là le problème, pas tant l'honneur qui détient, alors qu'on le croyait mort, encore une force, mais cette fiabilité. Comment être sûr qu'on nous croit ou de pouvoir croire les autres? Comment savoir que les autres sont fiables, qu'on peut leur accorder? Et c'est ici que tout se joue, notre confiance. Car chacun d'entre nous en ce moment doute. Et ces attestations sur l'honneur sont-elles des tickets voulant nous assurer, en plein Covid, alors que les uns et les autres sont suspects de nous contaminer, que ces uns et ces autres ne sont justement pas trop suspects de nous contaminer? Et voici que l'honneur serait le seul salut qu'on a trouvé. Mais pourquoi avoir besoin d'un papier pour attester ce qui était déjà la base des rapports aux autres, à savoir la confiance? Pourquoi ne pas accepter de croire sans garantie? Pourquoi ne pas faire un pari? L'ironie étant qu'on préfère désormais n'être pas trop méfiant sans parvenir à être tout à fait confiant.